Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 146. Des parties subjectives de la tempérance, et d'abord de l'abstinence. Que, l'abstinence est une vertu spéciale. 1. L'abstinence est-elle une vertu? L'abstinence est une privation d'aliments, prise en elle-même. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise, réglée par la raison, elle est une vertu ou un acte de vertu. Voilà pourquoi Saint Pierre, 2 Pierre 1, 5, disait qu'il faut la pratiquer d'une manière éclairée, c'est-à-dire en consultant la convenance des personnes avec lesquelles on vit, ses propres devoirs et les exigences de sa santé. Note. Le royaume de Dieu, selon la remarque de saint Paul, ne consiste pas dans le boire et le manger, Romains 14, 17, on peut le gagner, soit en prenant de la nourriture, soit en n'en prenant pas, pourvu que l'on agisse selon la foi et par amour de Dieu. C'est à la médecine de régler la quantité et la qualité des aliments selon les nécessités de la santé, mais c'est à la vertu de l'abstinence de régler ces choses suivant les besoins de l'âme. Cette vertu nous apprend à supporter facilement et avec tranquillité d'âme, pour la gloire de Dieu, la privation des aliments, lorsqu'elle est nécessaire. Fin de la note. 2. L'abstinence est-elle une vertu spéciale? Les vertus morales protègent la raison contre les passions, où se trouve une passion particulière qui tend à écarter l'homme de la raison, là existe une vertu spéciale pour la combattre. Or les plaisirs de la table peuvent produire un tel effet, tant par leur puissance naturelle que par la nécessité où sont les hommes d'y recourir pour la conservation de leur vie, qu'ils désirent par-dessus tout. Donc l'abstinence, qui les réprime, est une vertu spéciale. Note. Elle châtie le corps pour le prémunir contre la luxure et la gourmandise, vice impérieux à proportion des concessions qu'on leur fait.